Vas-y Manu. Et bah voilà, c'est tout. Je suis allé chez mes parents. Ouais, moi je souhaite un bonjour. Ah, c'est bon. Allez. Apo. Je souhaite un bonjour à Fildar. Rigo, j'ai eu un petit week-end sympa, quoi, du même genre que Manu, tranquille. Samedi, vendredi soir, je suis allée au resto avec un ami dans une pizzeria sympa, quoi. Ça nique ça. Et puis, près de Paris, à Courbevoie, je sais même plus le nom. Non, mais sympa, non, mais. Courbevoie, c'est sympa. Mais non, mais la pizzeria était trop sympa, franchement. West Pizza. À Courbevoie, Gérard, il connaît Courbevoie. À Courbevoie, il y a des restaurants qui font des pizzas maintenant. Bah écoute, c'était à l'étage. Ouais, je sais plus le nom. Enfin bref, donc samedi, j'étais avec deux amis, on a loué la bande de cassette et on a passé la journée à regarder des vidéos. La blinde de cassette. La blinde de vidéo. Oui, plein de cassettes vidéo. La blinde de cassette. Ouais, la blinde de cassette. C'était quoi les cassettes? Et c'était, j'ai regardé le cinquième élément, qu'est-ce que j'ai regardé? Taxi, enfin j'ai regardé plein de films. Non, mais des trucs que j'ai. Mais parle devant ton micro! Ouais, GG! C'est comme ça. Parle devant ton micro parce que là, on a à peine entendu. Ça te convient comme ça? C'est mieux? Donc le cinquième élément. Ouais, taxi, qu'est-ce que j'ai regardé encore? Casino, enfin j'ai regardé vraiment, on a regardé cinq films en fait, donc on s'est. Vous êtes levé à quelle heure pour ça? On s'est pas levé très tôt, enfin moi du moins, et mais on s'est couché très tard, en revanche. Donc voilà. Vous avez dormi dans le même lit, tout ça? Non, Fildar, désolé, c'est pas drôle. Et donc dimanche, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis baladée à Paris un petit peu, et puis voilà, j'ai rien fait de spécial aujourd'hui. Et puis voilà. T'as trouvé des cigarettes, non? Non, j'ai pas trouvé de cigarettes, j'ai remonté tous les champs pour trouver des clopes pour mettre. Non. Attends, Gérard. Gérard, t'étais pas là. Attends, moi je vais te dire une chose. Ouais. Je vais te dire une chose, qu'il y a des tabacs qui sont ouverts sur les Champs-Élysées. Ouais, je sais, je suis allée sur celui entre les deux pizzas. Non. Pas trouvé. Attends, Gérard, le pire c'est qu'elle a fait tous les Champs-Élysées, elle a trouvé aucun bureau de tabac ouvert. Ouais. Alors toi, il faut que tu dises où. Ouais, dis-moi où, trouver. Comme ça je saurai la prochaine fois. Non, de toute manière, sur les Champs-Élysées, t'as toujours des bureaux de tabac ouverts. Tu vas, l'Arc de Triomphe. Ouais, je sais, c'est ce qu'on m'a dit après, c'est l'endroit où je suis pas allée au drugstore, tu veux dire. Voilà. Ouais, et ben là, ils en vendent. Je sais. Alors, je suis désolé. Alors, me dis pas que t'as pas trouvé un bureau de tabac, c'est que t'as pas voulu chercher pour dépanner tes copains. Alors, tu vois. Non, tu vois, mais on va pas te taxer, Gérard. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Tu nous enfiles un instrument à nous, Gérard. Là, je vais enfiler que trois, mais toi, tu iras te faire voir. Et ben, je veux pas de tes clopes. Mais tu sais, Gérard, je vais te dire, c'est quand même grand, les Champs-Élysées. Donc, comment tu veux qu'elle trouve un bureau de tabac d'ouvert alors que c'est vrai. Long, quoi. Bah, attends, merci. Le temps que tu marches et puis que tu trouves chaussures à ton pied, c'est difficile, hein. Tu descends à Charles de Gaulle. Non, où il y a l'Arc de Triomphe. Hein. Et si par exemple tu ressors, pour les gens. T'as juste le Virgin qui est là. Gérard, ouais, si tu prends la sortie de métro Franklin Roosevelt. Je suis sûr, on y est passé nous à Franklin Roosevelt. Bah imaginons que tu sois à Franklin Roosevelt. Et il est ouvert le bureau de tabac. Tu fais comment pour trouver un bureau de tabac à Franklin Roosevelt? Il y a que les Parisiens qui capent. Hein, que vous racontez, tu prends. Mais oui, mais c'est un métro, c'est une station de métro. Oui. Ouais. Mais tu prends juste à côté quand tu sors. Devant ton micro comme Apolline. Tu traverses. Ouais. Tu traverses la rue et t'as le bureau de tabac qui est ouvert. Alors qu'elle vienne pas me dire qu'elle a pas trouvé de bureau de tabac parce que c'est faux. Et ben voilà, pour acheter des cigarettes, c'est quoi ce soir? Je suis pas allée. Non, parce qu'Apolline, en fait, elle est sortie ce soir pour chercher des cigarettes pour Manu. Ouais. Et elle a fait tous les champs, elle a trouvé aucun bureau de tabac ouvert. J'ai fait tous les champs, j'ai fait trois débits de tabac et c'était fermé en fait. Voilà. Non, il y en a à mi-hauteur, plus haut, bien sûr, qu'il y en a. Il y a un tabac qui est ouvert 24h/24 qui est ouvert là. Je savais pas. Non, même pas le drugstore, entre les deux, avant Weston là. Juste devant, à la hauteur du Queen là. Non, un peu plus haut. Un peu plus haut, là. Rue de Berry. Rue de Berry. Écoute, non. Bah, si, c'est ouvert 24h/24, le truc, quasiment. Et même, je vais te dire une chose. Puis même acheter vos clopes, quoi, ça serait bien, parce qu'on taxe tout le temps. Il y en a pas marre, non, de taxer tout le temps la vie, tous les jours taxer, que c'est bien de l'argent, des machins. Moi, je vais te dire une chose, Apolline, tu vois. Oui, c'est pas pour être méchant. Ah non, mais pas toujours sur elle, tout le temps. Mais moi, je vais te dire une chose. Tu vas dans un café, tu demandes un café, tu demandes s'ils ont des cigarettes. Non, mais j'y ai pensé, mais j'avais pas envie de rester 3 heures pour avoir un paquet de clopes. Mais attends, tu bois un café, ça te coûte quoi? Le café, il va te coûter 5,50 €. Non, 10 balles. Attends, t'es pas sûr. Sur les champs, c'est 10 balles, 15 balles, Gérard, un café, un express. Ouais, mais ça dépend à quelle heure. Devant ton micro. Ça dépend à quelle heure. Ouais, ça dépend à quelle heure, oui, c'est vrai. Mais en règle générale, un café, maintenant, c'est plus 5 €, hein. Si moi je paye tout. Oui, mais à Suresnes. Même pas, tout le monde n'a pas la chance d'habiter à Suresnes. Non, mais attends, moi quand je viens le jeudi, je vois mon café là juste en face, eh ben je le paye 5,50 €. Où ça? Juste en face. Ah bon? Quand on sort d'RTL. Le nouveau truc là, GG. Ou qu'il y a les deux stations, la ouais. pompe à essence, là. Ouais, ouais. Eh ben, je le paye 5,50 francs. Dans la pompe à essence, là? Non, non, le café okay, est juste en, ouais, juste en passe. Mais c'est vrai quand même, maintenant, hein, je sais pas ce que vous en pensez tous, mais taxé, on voit Fildar, on m'en a encore parlé ce week-end grâce à Jean Maraca qui demande Fildar le taxeur, comment il va. On a souvenir de ah bah oui, il a un souvenir de toi d'un mec qui n'avait jamais de cigarette, qui avait jamais rien sur lui, qui taxait. Il les a. J'en ai pris des belles sur toi d'ailleurs. À quel niveau? Bah, t'as le resto et qu'avant de payer l'addition, tu te barrais. Avec qui? Ben, je dirais pas, en direct. On m'a raconté ça, j'ai dit tiens, deux fois il aurait fait le coup. Ça. Ouais, ouais. Tu te souviens pas? Avec ton pote, l'alligator. Il est arrivé, il paraît qu'il s'invitait au dîner des restos, puis après il se barrait. Mais avec qui? Avec Cyril. L'alligator. Cyril et qui? Gérard. On connaît que Fildar taxe beaucoup quand même. Ouais, il arrête pas. Ça, c'est pas bien dans la vie. Vous pensez quoi de ça d'ailleurs, que les gens taxent comme ça dans la vie? Moi j'ai pas de problème parce que comme je fume pas, non, mais même pas que ce soit ça ou autre chose. De manière, même à la maison, tu le reconnais, même toi, maintenant, on arrête parce qu'on en a marre de. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais encore, juste avant de partir, une fois que le Grand Prix était terminé, on me demandait si j'avais pas une clope. Ouais, faut arrêter. Non, mais avant, oui, mais pas après. Ah, non, même pas, ni avant, ni pendant. Parce que j'ai horreur, quand je regarde un Grand Prix de Formule 1, ou quand je regarde un match de foot, que ça soit PSG ou Marseille, moi, je vais te dire une chose. Mais attends, excusez-moi, mais là, c'est mon casque à moi? Ça règle le vôtre aussi? Bah oui, hein. Ah bon? Depuis quand? Bah, je sais pas, depuis... Mais ça a rien changé là. On entend bien. Mais non. Oui, moi j'ai entendu plus rien dans mon casque. Oui, ça change. Ah, j'entends plus rien. Ah bon, mais comment nous, ça change que lui, rien, hein, que lui, parce que lui et moi alors. Nous, ça change rien. Ah bah nous, va pas le faire parce que moi c'est mon casque. Nous, on t'entend bien. Non, hein. Ça va. Ah, c'est pour ça depuis tout à l'heure que ça bouge. Moi, je dis merde, ça bouge. Excusez-moi, on est en train de régler les problèmes personnels parce que normalement je suis en train de régler mon propre casque. Moi normalement et vous dirigez. Puis apparemment, donc là, tu t'entends plus là. Comme moi, d'accord. Ok, donc tu règles. C'est les mêmes que le mien. T'as le même son que moi maintenant. Bah oui. T'as le son du chef, toi. La promo. Le chef. T'en vas? Et le chef. Ouais. Et comment que ça s'est passé? Alors justement, Toulouse et Baobab. Alors il y a des gens sur Minitel qui voulaient absolument passer sur l'antenne pour nous parler de la soirée de samedi soir au Baobab. Tu connais, tu es déjà venu une fois, bah tu ouais. te souviens? T'as des souvenirs quand même? On se souvient de toi là-bas. Je m'en souviens bien. Dans une cage, t'étais dans une cage. Ouais, je m'en souviens très bien. Et alors d'abord, Toulouse au James, c'était un peu calme le vendredi soir, hein, donc mais bien. On a bien joué, on a joué peu, mais bien. Et puis surtout le samedi, hein, on va avouer qu'on s'est beaucoup plus éclaté cette fois-ci en allant au Baobab à Toulouse. Et là, ça a bien fonctionné puisque il y a eu Rodez. Plus de monde que les autres samedis. Et puis on a été bien accueillis avec un DJ qui s'appelle Casimir. Très sympa, que j'avais déjà vu la fois d'avant, le même qu'avant, je crois, hein, le même d'ailleurs à l'époque. Chose. Et puis, non, bien, bon esprit, on s'est bien amusé, joli, sympa, belle boîte, et avec c'est une boîte. Casimir. Ah ouais, c'est celui qui a fait le début quand on était en train de manger là. Voilà, exactement. Ah ouais, je me souviens. Voilà, très bien. D'ailleurs, il te passe le bonjour. Ah ben moi, je vais retransmettre pareil. Alors c'est vrai que c'est pas facile là-bas parce que Rodez, il y a plus Fun Radio, il y en a à 20 km ou 30 km aux alentours, mais c'est vrai que ça leur manque, hein, donc il y a plus qu'énergie là-bas, c'est un peu dur pour eux. Mais on les salue, ils ont demandé de tes nouvelles, Gérard. Donc on a dit que la prochaine fois que Fun réouvrait une fréquence là-bas, on y retournerait et à ce moment-là, on viendra avec toi. Bah, je sais que... C'est encore parler. Non, mais c'est vrai que déjà la première fois qu'on y avait été, c'est vrai qu'ils avaient déjà des problèmes de fréquence avec Fun Radio. Ils ne captaient pas. Ouais. Ils avaient du mal à capter et c'est quand il y avait on y avait été avec comment tu l'appelles Pascal. Ouais, il y avait Pascal et puis l'autre là. Éric. Florent. Non. Emmanuel. Non, celle qui était avec le doc à un moment donné. Ah, pour, Jessica. Avec Jessica et avec Mais elle est pas venue. Si. Il confond si. Boîte. Tu dois confondre la boîte. L'écho du lac, c'était Jessica. Oui. L'écho du lac. Non. Je sais pas, il m'a jamais raconté les histoires qu'il a eues. La fois qu'on a fait c'est du business, hein, Sandy. Hein, non, c'est mais du je boulot, parle là. Des histoires, enfin, des soirées, quoi. Ouais, des soirées. Non, ouais. Mais la fois qu'on a fait une séance de dédicace dehors et que tout le monde nous attendait, c'est bien là. Non, c'était, je m'en souviens, c'est dans une salle. C'est dans une salle, c'était pas au Baobab, c'est pas Rodez, c'est dans une salle et c'était, merde, j'aimerais bien trouver, même que tu y allais, je crois, une fois avec. T'étais venu. Non, mais tu y étais avec Miguel, à toi. C'est pas Rodez. C'est pas la même chose. Ah ouais, non, je comprends. Qui s'appelait un château, l'orangerie ou un truc. Ouais, comme ça. Voilà, exactement. J'allais dire l'orangerie, ouais, ça l'orangerie, un truc comme ça. Et là, oui, on était dans un magasin de disques. Voilà. Bah ça, c'est à toi. Ça, c'est pas la même chose. Donc, Rodez, ils veulent que je revienne. Ah, ils ont demandé, mais alors, plumes, hein, quelque chose de grave. Non, mais ça va, ils s'en déconnent. Il y a une petite boîte rétro où ils passent du. La bande des canards, tout ça. C'est bien. Ouais, c'est la fois où tu m'as cherché partout, là, à la fin de. Enfin, ben oui, il y avait deux salles au Baobab, et en fait, il était dans la salle à côté rétro, où il mettait du sardou, et il faisait ça aux gens de danser, là. Ouais, c'était ça, ouais, c'est ça, voilà. Rond comme une queue de pelle. Attends, je vais dire une chose à Pauline. Oui, GG. Ce que tu viens de dire, j'aime pas trop. Non, j'ai dit que c'était pas. Non, mais j'aime pas trop ce que tu viens de dire. Non, mais t'as écouté au moins ce que j'avais dit. Qu'est-ce que t'as dit? Qu'est-ce qu'elle a dit? C'est pas mon genre. Tu vois, elle n'a fait que répéter ce que tu venais de dire. Quand t'as dit rond comme une queue de pelle, elle a répété rond comme une queue de pelle. Non, j'ai dit c'est pas ton genre. Non, c'est pas trop ce que t'as dit. T'as dit il est bien quand il est bourré. Attends. Non, mais attends. Parce qu'il y a quelqu'un qui a entendu jeudi et fais-moi confiance que tu vas t'en prendre plein ton gradon. Qu'est-ce qui s'est passé jeudi soir? Non, mais je pense c'est quand elle a dit ouais qu'elle aimait Gérard et en fin de compte, moi j'en ai pas cru un mot. Bon, c'est vrai que sur le coup ça fait drôle, mais je me suis dit non, c'est pour rigoler quoi. Parce que si tu veux qu'on casse maintenant, j'ai compris. Non, mais attends, on va faire un tour de. Non, mais moi je vais régler mes comptes en direct. On est dimanche. Moi maintenant, si tu veux casser mon couple avec Sandy, vas-y, continue. Mais moi je vais dire une chose, si c'est ça, moi dans ces cas-là j'éteins et je me casse. Ah non. Alors moi je vais te dire une chose, oui. Tu arrêtes tous les jeudis de me dire des conneries, ok? Je t'aime. Ça j'en ai marre, parce que moi Sandy je l'adore. Et moi je veux faire ma vie avec elle. Mais donc attends, c'est pas avec toi que je veux sortir. Non, mais attends, Gérard. C'est clair, net, précis. Mais Gérard, laisse parler. Non, mais attends. Rigo, fais quelque chose au lieu de. Moi je vais te dire une chose, c'est clair, net et précis. Oui. Moi je veux pas de toi. Mais c'est peut-être ton personnage qu'elle aime. Moi j'ai assez de Sandy. C'est tout. Alors maintenant, quand t'auras des conneries à dire sur l'antenne, t'éviteras que je sois là pour le dire. Tu le diras la semaine. La semaine, j'en ai rien à foutre. Bah, la semaine, c'est jeudi. La semaine, c'est jeudi, Gérard. La semaine, moi, du lundi au jeudi, tu peux dire tout ce que tu veux sur moi. Tu peux dire que je suis un con. De toute manière, j'écoute dans la chambre. Mais le jour où tu vas me dire ça, fais-moi confiance que j'appellerai. Et fais-moi confiance que je te casserai encore. Maintenant, c'est Sandy qui va dire effectivement ce qu'elle va me reprocher. C'est vrai qu'il y a des choses que je peux te reprocher, comme des fois, bon, tu coupes la parole aux gens, ça j'aime pas trop. Oh, ça c'est chiant. Mais c'est vrai que des fois, tu vois, quand Gérard il veut parler, bon, le jeudi c'est ses débats, c'est vrai. Mais quand il veut dire par exemple quelque chose, t'es toujours en train de dire oui, des trucs comme ça, et puis tu parles avec le micro, quoi. Donc des fois, faut peut-être attendre aussi qu'il te dise de parler. Ouais, mais quand je lève la main, le GG il s'énerve. Non, attends. Oui, mais ça, c'est sa nature. Ça, je vais te dire une chose. C'est dans sa nature. Que le jeudi, t'es au standard, t'es payé pour faire le standard. Hein. Ouais. Donc, tu fais ton standard. Quand je vous demande de virer des gens, vous les virez. Pas me faire comme jeudi. Parce que jeudi, quand je vous ai parlé à tous les deux, vous étiez tous les deux au standard. Hein. Jeudi, t'avais ton micro allumé. Quand je t'ai dit, tu me vires la personne, t'as attendu. Et par contre, Hugo, quand il a quelque chose à me dire, lui, il attend. Non, il attend. Bah comme à l'école, il lève le doigt. Hugo, il attend. Et dès que je lui dis, bon, ben, une question Internet, toc, il y va. Mais par contre, toi, je te reproche, c'est que le jeudi, tu fais pas ton boulot. Tu fais pas assez ton boulot. C'est tout. Ok. Bravo. C'est tout. Maintenant, tu fais ton boulot correctement. J'ai rien à dire. Mais c'est comme ça le dimanche qu'on doit régler nos affaires. Voilà, c'est comme ça, bien propre. Tu fais ton boulot le jeudi correctement. Après, on verra. Mais il faudrait que tu me fasses une petite note. Ah non. Bah, attends, non. Et puis quoi encore? Tu veux pas que je baisse mon pantalon et puis que j'aille me faire... Ah, si j'aimerais bien. Non, mais ça va, ouais. Comme ça, c'est toi qui vas faire le striptease à la place d'Apolline. Ouais, bah justement. Justement, en parlant de ça, n'oublie pas que demain, t'as promis. Et c'est ton pote, Jean-Pierre, il m'a dit qu'il te connaissait. Ah non, moi, je le connais parce pas. Il vend des dessous sur les marchés, il m'a dit justement qu'il te voyait souvent du côté de Suresnes. Ah ouais, on verra. On verra ça jeudi. Bon, ceci dit, pour conclure sur cet petit problème qui n'en est véritablement à la base pas un, Sandy, tu n'en veux pas du tout à Apolline? Si, quelque part, je lui en veux un petit peu, parce que, bon, des fois, c'est vrai qu'elle est toujours en train de dire « Gérard, je t'adore et tout », mais je sais pas si c'est pour rigoler ou si c'est pour... Alors justement, est-ce que c'est pour rigoler, quand même, Gérard? Si on va faire un tour de table pour voir qui pense. Non, tu réponds, on fait pas de tour de table. Maintenant, la question, la balle est dans ton camp, maintenant tu réponds à Sandy. Faut que tu renvoies la balle. Non, mais là, Gérard, il y a trop de monde, je peux pas te répondre. Non, mais moi, j'en ai rien à foutre. Moi, je veux pas le savoir, tu réponds à Sandy. C'est Sandy qui t'a posé la question, maintenant tu lui réponds. Chut, Gérard, s'il te plaît. C'est tout. À vous, Alors, bon, c'est oui ou c'est non? Je dois dire la vérité, là? Bah oui. Bah écoute, Gérard, j'y ai songé. J'ai cru être amoureuse de toi, mais en fait, non. Voilà. Comme ça, tu es. Alors maintenant, j'ai compris pourquoi que le jeudi, je me fais engueuler. C'est voilà. Maintenant, maintenant, la balle est dans le camp de Sandy. Est-ce que tu pardonnes ou pas? Mais oui, je la pardonne. Bravo. Voilà. Merci, Sandy. Bravo. Ouais. Et puis avant, hey. Alors la bise, la bise. Toi, tu la pardonnes. Et puis ça va recommander, ça va recommencer tous les jeudis. Mais ça sert non, à rien. Non, moi je pardonne que... pas. Mais écoute-moi, Gérard, si bah, il si, se passe rien entre vous deux. Si, Gérard, t'es un homme. Et tu... Attends, tu pardonnes ah, jamais. Non, mais, attends, moi je vais dire une chose. Mais au travail, tu pardonnais jamais. Toi, au boulot, quand t'étais à l'avant, quand t'étais routier, s'il y avait des problèmes, non? Une fois que t'en voulais à quelqu'un, t'en voulais je... tout le temps. Ah, mais moi je vais dire une chose. Que je suis encore plus dur que Sandy. C'est quand j'ai quelqu'un. Qui me fait une vacherie. Ah bah alors t'en veux. Mais t'en ça veux, dépend. Hein. T'en veux à Fidel. Non mais lui c'est pas pareil lui, c'est mon pote là. Oh là là, là, là, là, là, là bravo. Le pote Fidel. Oh là là, la Ah les potes. Parce, moi je vais te dire une chose. Ouais. Je sais qu'il va nous rester fidèle. Ouais. Alors c'est vrai qu'Apolline on se méfie quoi, on sait très bien qu'elle peut se barrer en couille. Hein. Mais moi on peut pas lui faire confiance. Au début, tu vois, c'est pas méchamment. Oh, les frères. Oh, regardez, ça se tape dans les mains. Ouais, ça mérite la photo. Il en peut plus, Filda. Ouais, c'est pas méchamment, tu vois, c'est pas méchamment quand. Ouais, c'est le boulot, Mais bon, c'est le boulot. C'est vrai que quand il fait des conneries. Regarde, il est content, Filda. Regarde-le comme il est content, doucement. Ton pote. Ça clavicule en rotant. Doucement. Non, mais moi, je vais te dire une chose. On dirait le père et le fils, tu sais. Ah, big up, putain. Ouais, c'est chaud. Oh là là, et ça se tape dans les mains, et ça se met des coups de bois, et ça big up partout. Non, mais je dis, il sait très bien comment qu'on fait. Ouais. Donc voilà, fil d'arrière. Et pourtant, Sandy, elle aime bien écouter quand elle me dit, ah, jeudi, je me marrer parce que tu vas encore t'en prendre sur fil d'arrière, Manu. Et Manu, justement, alors lui, tu lui en veux ou pas? Non, mais en fait, j'aime bien quand tu t'énerves un peu trop, là. Et Manu? Oui, mais Manu, pour l'instant, on le laisse. Moi, il est gentil, Manu. Il fait jamais de conneries. Il reste jeune. Moi, bien sûr, toi. T'es jamais là. Moi, je défends tout le monde, y a pas de problème. Tu qu'est-ce que tu fais? Moi, y en a qu'un que j'aime bien. C'est mon pote Trigo. Ah ouais. Mon pote Trigo, là je le reconnais. La bise. Mon médecin m'a déconseillé. Bon alors un petit tour du studio sur les épaules. À cause des microbes, même chose. Totalement impossible. Non mais ça va. J'aurais peur qu'il me blesse avec son. Non mais le jeudi faut se dire une chose que sans Fildar à la si on n'avait pas Rigo et Fildar. Bon, je parle pas du standard parce qu'au standard ils me font que de la merde. Mais si, ils font du bon boulot, ils sont. Non. Ils font du bon boulot. T'as bien vu jeudi comment que ça s'est terminé? Bah non, moi j'ai trouvé que c'était normal. Pas moi. Mais par rapport au moins à Manu depuis le temps qu'il travaille, non? Qu'est-ce qu'il y a par rapport à Manu? Qu'est-ce que tu lui reproches à Manu Gérard par exemple? On profite qu'on est là en direct à la radio avant qu'on parle de notre petit week-end à tous. Moi, quand je lui demande de virer une personne, il n'a pas besoin de reprendre le combiné pour dire « Bon, ben, je te reprends sous un autre nom. » Non, mais ça t'a repéré, ça, c'est fini. Mais non, mais ça, je les prends. Quand je les prends, c'est pour leur dire au revoir. Évitez trop les pommes, parce que là, c'est... Je vais pas leur raccrocher au nez, Gérard. Ouais, mais même. Même, de toute manière, tu fais une chose, tu leur dis au revoir et tu prends une autre personne. Parce que je vois le jeudi, il y a plus de 24 lignes qui sonnent. Et donc, sur les 24 lignes, il faut faire une chose, faut prendre les gens. Voilà, donc on va arrêter maintenant là le débat du jeudi parce qu'on les gardera pour jeudi. Sinon, on va faire une émission spéciale pour les débats de Gérard du jeudi. Si vous avez des choses qui vous ont semblé choquantes, que vous avez vues, dont vous aimeriez parler, bien sûr, vous n'hésitez pas une seule seconde. Maintenant, Manu et Apolline vont se ruer sur le standard et puis on fera réagir toute l'équipe au 0803-08-5000. J'ai pas trop suivi parce que je me suis absenté quelques minutes, mais tu nous as raconté ton petit week-end, ouais, Manu. Je suis allé au resto, oui, chez mes parents. Et c'était où le resto? C'était à Lille-Adam, dans le Val d'Oise. Oh, c'est bien Lille-Adam, c'est sympa là-bas. C'est joli, hein. Ouais, c'est très sympa. Ça s'appelle le Tampico. Vous avez eu du beau temps, vous d'ailleurs, au passage, parce que nous, en étant à Toulouse, moyen et Rodez. À part dans. C'est un temps de chiottes. Samedi, il faisait beau. Samedi, même vendredi, il faisait bon. Parce que vendredi, moi, je vais te dire une chose. Je suis. En slip. Je suis sorti. Fais-moi confiance que j'étais avec ma veste que tu connais très bien. Pierre Cardin. Non. Plus un t-shirt et fais-moi confiance qu'à un moment donné, j'en avais. Je ne pouvais pas tenir. J'étais avec mes Ray-Ban et je ne pouvais plus tenir. Je ne pouvais pas tenir dehors. C'est quoi les Ray-Ban? C'est une lunette, monsieur. Ah, d'accord. Oh, regarde, la Joël te taquiner. Alors, ouais, c'est trop chaud. De toute manière, elle n'a même pas raconté son week-end. Non, mais elle va le dire, elle va le dire. Alors, elle t'avait trop chaud. C'était impossible vendredi. T'avais été Weston ou pas? Okay. Ouais, j'étais comme ça. Ah ouais, d'accord. Ouais, et tranquille, quoi, détendu. T'as même pas raconté ton petit week-end Non, pas spécialement. Non, j'ai pas. Non, et alors? J'ai pas eu le temps, non. Bon, alors raconte-nous un petit peu là. T'as deux minutes. Bah, disons que vendredi, comme il a dit Gérard, je vais couper les cheveux. Alors comment vous avez pris l'initiative là de couper les cheveux En fait, il m'a dit, écoute, j'ai les cheveux un peu longs. Est-ce que tu peux me les couper parce que j'en ai marre. Tu te sentais pas bien, quoi? Voilà. Non, puis même t'avais qu'à voir quand je venais sans arrêt, j'étais en train de. Ouais. Il se tirait dessus sur les cheveux. Là, t'es bien, on sent plus léger quand même, on sent propre en plus, on sent bien. Hein. Puis en plus, ça les coupe bien. Honnêtement, j'étais très surpris quand je l'ai vu, très honnêtement, à l'accueil d'RTL et que je suis venu le récupérer. Il m'a dit, t'as rien vu, chef? J'ai dit, bah si, t'as été chez le coupe-tif quand il m'a dit. Que mais je suis pas très doué. Hein. Oh bah attends. C'est bien, hein. Très sincèrement. J'ai essayé de faire ce que je pouvais, mais c'est pas facile. Allez, vu avec les ciseaux qu'il m'a donné et puis la petite tondeuse là, qui fait exprès pour couper les cheveux, c'est pas évident. Hein. D'accord. Mais bien, bien, bien, bravo. Donc tu lui as coupé les cheveux. Ça prend combien de temps pour couper les cheveux de Gérard? Ça t'a pris combien de temps? Bah moi, ça m'a pris à peu près 3/4 d'heure. Hein. D'accord. Tranquille. 45 minutes, quoi. Bon, peinard. Et ensuite, avant, tu fais quoi? Un shampoing avant? Bah quand même, avant, il s'est lavé les cheveux. 3-4 fois. Et une fois que, bon, il avait les cheveux à moitié secs, je lui ai coupé petit à petit. Tu vois, je prenais mèche par mèche et je l'ai coupé, quoi. T'allais prendre un bol d'air, quoi, un peu d'oxygène, et puis après tu repartais, tu remettais un coup de dent. Mais je suis pas déçu de ce que je lui ai fait. Ah là, non, ça là, fait du. Non, peut-être honnêtement, là, on peut difficilement se moquer, c'est du très beau travail. Vous êtes. Vous sortez jamais, vous, tous les deux en couple, de temps en temps, le vendredi soir, même aller prendre l'air, vous balader sur les quais, comme ça, un peu, non? Cinéma, restaurant. Non, parce que je regarde à peu près ce qu'il y a à la télé. Ouais. Ouais, en général, on regarde souvent la télé. Vous regardez Nagui, là, ils ont battu le record, bravo Nagui. Hein. Ah bon, combien? France 2, bah, il a battu TF1 vendredi soir, il a fait 29 ou 30% de part de marché, 28 ou 27 pour TF1. Bah, c'est il y avait quoi vendredi soir sur TF1 d'ailleurs? Ah bah oui, il y avait la nouvelle émission, les trois là, ouais, c'était pas terrible, ça c'était. Oh, là, j'ai vu la fin avec les. Tout d'un coup. C'est vrai que c'était pas évident. Ah non, c'est tout nul, tout nul. Donc voilà, donc samedi, qu'est-ce que t'as fait? Est-ce que tu fais des choses que tu ne fais pas avec Gérard pendant le week-end ou vous faites tout à deux? Vous partagez tout à deux? Non, des fois le samedi, si ça me prend, je vais au marché parce qu'il y a le marché le samedi et puis le marché le dimanche. Ouais. Donc de temps en temps, si j'ai envie d'y aller, en fonction que. Bon, si j'ai de l'argent, j'y vais ou si j'en ai pas, j'y vais pas, je fais la grasse matinée. Mais là, samedi, donc j'ai été au marché. Après j'ai regardé la télé, tout ça, peinard, et puis après dimanche on a été aussi au marché dimanche matin. Et c'est quand tu vas au marché que tu lui fais des petites surprises, quand généralement tu reviens avec je sais pas, ça lui arrive de t'acheter des petits trucs comme ça, des fois je te vois avec un truc je sais plus un vêtement, une chemise ou un t-shirt, puis tu dis souvent ouais, c'est elle qui me l'a acheté, c'est des petites surprises comme ça qu'elle te fait. Ouais voilà, c'est des petites surprises. Et ça marche bien ça? Je trouve que c'est mignon et puis quand je vois ça, j'hésite pas à l'acheter. C'est puis... important de faire des surprises hein. Ouais, c'est vrai que c'est très important hein. Comme toi qui nous en fait souvent. Quand on aime la personne de toute façon. Est-ce que toi, de temps en temps, Gérard, ça t'arrive de faire l'inverse? Parce que j'ai l'impression que c'est souvent elle qui te fait des surprises. Est-ce que toi, tu lui fais des surprises? Ouais, ouais, c'est vrai. Ouais, ça t'arrive, oui. Ouais, je t'en souviens plus bien. C'était quand la dernière fois? Ça remonte à quand la dernière fois que tu lui as fait une petite surprise? C'était des dessous féminins, je crois, que tu m'avais acheté. Ouais, mais quand? Une petite culotte et un petit soutien-gorge. Mais quand? Je sais plus quand, je pourrais pas te dire la date exactement. Non, mais c'était quand, à quelle époque à peu près? Oh, c'était le mois dernier, non? Ah, bah d'accord, donc ça fait pas très longtemps, d'accord. Non, ça fait pas très longtemps. Oh, bah, c'est bien, d'accord. Et ça te fait plaisir? Ouais, ça fait plaisir quand tu vois que ton copain il arrive et puis il a un petit cadeau pour toi, ça c'est très sympa. Ouais. Non, mais souvent, elle oublie de le dire, souvent je reviens avec des fleurs. Ouais, c'est vrai. Bah oui, parce que j'aime bien les roses rouges et puis des fois, bon, ça lui prend, il va au marché ou alors des fois il y va tout seul, il dit tiens, je vais prendre des fleurs. C'est vrai, t'aimes bien les roses? Ouais, les roses rouges. Ouais. Les roses rouges? Bon, très bien. Moi, quand je m'en vais, je reviens pas, moi. Ouais, c'est vrai que des fois tu t'en vas, je sais même pas où tu es, je me demande, je me pose des questions. Enfin, je sais pas. Moi, je pars, je reviens 4-5 heures après. Hein. Ah oui, d'accord. Et il donne pas sur le dos. Tu sais pas où il va et tout, hein, sur le dos. Sans rien me dire en plus. Il va se balader, tranquille, il revient. Et moi, pendant ce temps-là, je m'inquiète. Hein. Je me dis, où est-ce qu'il est? GG, il est parti et puis il m'a laissé toute seule. Non, mais tu vas voir cet été. Je vais partir et... Ah, moi, tu vas partir? Tu vas me laisser? Ah non, mais je vais te dire, je vais pas te dire où que je vais. Ah, surprise. Là, s'il fait beau, là, dans les semaines à venir, même les week-ends, s'il fait beau, là, comme il n'y a pas beaucoup de Grand Prix, là, maintenant, le prochain, c'est dans... Trois semaines, c'est en Italie, c'est à Monza, je crois. Donc, s'il fait beau, moi, je vais te dire une chose. Tu te déshabilles? Non, moi, s'il fait vraiment beau. Ouais. Si on a un temps super, parce que là, apparemment, je pense pas que... Non, pas cette semaine, hein. Ouais, cette semaine, c'est... Qu'est-ce que tu fais, donc, s'il fait beau? S'il fait beau, je pars en short avec un Wattman, et je vais courir avec... Ah, c'est le bon vieux temps, ça. Et tu vas courir où? En tongue? Au Bois de Boulogne, non. Je perds le Tour de Longchamp en courant. Oh, avec les chevaux. Ouais, t'as bien raison, rester enfermé là. Ah, c'est chiant. Tu me dis hein, quand même qu'on pourrait aller courir ensemble, je te filme. Mais tu veux que je vienne ou pas? Comme ça, je mets mon petit short aussi et puis on y va ensemble. Quoi. Ah, bah là, je viens filmer. Alors là, je vais dire, je viens filmer là. Ah, bah attends, attends, déjà quand je marche, ça me dit, tu marches trop vite, alors si c'est pour courir, alors là. C'est vrai, quand tu marches, attends, faut courir derrière ça pour pouvoir marcher. Hein. Bon, on va revenir avec Gérard, avec Sandy, bien sûr, qui ont beaucoup parlé hein, dans cette première partie, mais rassurez-vous, je te rassure, Hugo, tu auras ta petite part du gâteau, tu nous raconteras un petit peu ce que t'avais durant ce week-end, à moins que ça peut se faire en une minute. Non. D'accord, il va falloir prendre son temps, tranquille. Non plus, mais pas une minute, quoi. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, ne bougez surtout pas, Pauline non plus, hein, elle n'a rien fait, elle va nous raconter un petit peu, elle est restée sur Paname. Si, j'ai déjà raconté. Ah, t'as déjà raconté? T'as raté, hein. Bon, oh merde. C'est pas grave, l'émission est enregistrée. Bon, c'est pas une cassette demain pour savoir ce que Pauline a fait durant ce week-end. Et on reviendra donc au 0803-08-5000, vous pourrez intervenir. 0803-08-5000, c'est vrai que vous êtes, comme je le dis à chaque fois. La nouvelle génération qui vous écoute. C'est de la bombe. Vas-y bébé, mets-nous de la bombe le dimanche soir. De la bombe le dimanche soir. De la bombe le dimanche soir. Et dans tout juste une heure, bien sûr, ça sera le rendez-vous minuit, une heure de balade nocturne, à ne rater sous aucun prétexte, 100% nouveau. Aucun morceau diffusé entre minuit et une heure n'ont déjà été diffusé dans l'émission de balade nocturne. Voilà, c'était une petite précision importante à noter. Toujours le 0803-085000 si vous voulez éventuellement intervenir dans cette radio libre nouvelle génération avec des sujets portant, bien sûr, sur votre week-end, sur des choses qui vous auraient directement choqué et non pas particulièrement sur votre comportement personnel, car beaucoup de gens appellent pour la libre antenne normale de la semaine, ça c'est du lundi au jeudi. N'est-ce pas Gérard et Sandy et tous les autres, vous êtes bien d'accord hein. Eh oui. Par oui. contre, évitez ouais. Une précision aussi que je voulais rajouter. Évitez d'appeler pour nous parler du Kosovo parce qu'on en a marre. GG, faut pas citer une marque. Hein. Je suis désolé. Non, parce que tu dis Kosovo. Non, le Kosovo. Ah, j'avais compris Kosovo. Donc c'est pour ça que j'avais pas compris. Hein. Non, moi c'est pas grave. Hein. Vas-y, continue. Hein. Mais c'est de la bombe bébé, hein. Voilà, exactement. Alors attention, il y a eu des gens qui ont voulu, bien sûr. Alors on va demander d'abord à Rigo ce qu'il a fait durant ce week-end, parce qu'apparemment il lui fallait bien plus d'une minute. J'en suis persuadé. Bah parce que je vais parler lentement en fait. Ah d'accord, ok, voilà, très c'est bien. Pour ça. Ouais, et il y a des gens qui sont devenus vraiment fans de tes passages. Ouais, de tes récits. C'est dans les soirées, ils aiment bien. Alors, qu'est-ce que j'ai fait vendredi, je suis passé ici vite fait. Encore ? Ouais, le vendredi, je passe, bah ouais. C'est ton truc, que, hein. La radio, c'est ton truc. Non, c'est pas ça, c'est que j'avais un truc à faire, donc je suis passé le verre vite fait, et comme j'allais chez quelqu'un, c'est sur mon chemin, donc hop, je suis passé ici. Petite sortie après, ça va. Voilà, une petite sortie entre potes, un petit truc simple, rentrer tôt, sur le PC toute la nuit, quand même. Ah, ouais. Et donc voilà, après on arrive à samedi, et en fait samedi j'étais à ce qu'on appelle un visu, enfin une rencontre de gens de l'IRC. Ah ouais. De l'IRC.funradio.fr. Chose qui s'était préparée durant la semaine, c'est quoi? Ouais, c'est... ça faisait un bon moment que c'était prévu, ils en font de temps en temps, et là... C'est organisé par un particulier ou c'est une association? C'est organisé, non, par des gens de l'IRC, quoi, entre eux, qui organisaient une bouffe dans un resto sur Paris. Ah mais tu l'avais déjà fait ça d'ailleurs, une fois, il me semble, non? Ouais, c'était un peu plus privé, quoi. Là, on était quand même plus de 40. Ah bien. Et qui y avait alors de connu? Ça me fait marrer. Enfin, pourquoi ils réagissent? C'est ceux qui sont sur l'internet, là, en ce moment, il y en a pas mal qui étaient là, qui étaient là ce soir-là, quoi. Donc, qui, par exemple, des noms connus? Donc, il y a Loki, là, qui gueule visu, il y avait Perforas. Perforas, ouais. Il y avait du monde, quoi. Sefi, Camus, Lia. Il y avait des nanas, un peu. Ouais, un peu de nanas, ouais. Alors, il y a des jolies filles sur internet qui viennent dans les soirs. Ouais, d'accord, sans plus, d'accord. Voilà, on peut en parler, hein, même si t'as une cop, c'est juste pour en parler, pour le plaisir. Hein, même si elles sont là, si elles écoutent, tant pis, je sais que t'es moins violent que moi, t'es toujours. Moi, je suis gêné, ouais. Respectueux. Bon, j'ai du respect envers les gens, quand même, moi aussi. Qu'est-ce que t'es en train de dire? Je suis pas respectueux auprès des gens? Non, mais c'est pas grave. Ah bon? Hein? Moi, je sais pas. Ça dépend des fois. Ah bon, ouais. Tu trouves? C'est qui cette pute, des trucs comme ça? Hein? Des quoi? Des trucs genre c'est qui cette pute? Ah, c'est qui? Moi j'ai dit ça? Oh. J'ai déjà dit ou ça, moi? Connasse, ou je sais pas. Oh ouais, mais c'est pas grave, c'est pas, ça. Je sais, la personnalité, c'est ce qui fait la force. Venant de toi, c'est voilà, toujours c'est... agréable. Bah voilà. Bon alors, il y avait des salopes alors ou pas? Il y avait des putes ou pas? Bah non, en fait, non. Ah merde! Bon alors. Donc, on était une quarantaine, suite à une petite embrouille dans le resto avec les gens du resto, on s'est retrouvés à une vingtaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah je sais pas, il y en a, ils sont partis finalement se faire un McDo entre eux, enfin. Ah mais embrouille entre pas, vous ou... Je sais pas, moi j'ai pas capté, je me suis assis, j'étais avec des gens que je connaissais déjà. Ouais. Donc on était entre nous, donc ça va, c'était cool. Ouais. Et puis plus tard dans la soirée, on s'est tous dirigés vers un pub. Et en fait ça me saoulait, j'ai appelé un pote et j'ai bougé quoi. D'accord. Je les ai laissés à leur soirée. Bon. Voilà, donc moi j'ai fini chez un pote, j'en ai embarqué deux avec moi de l'IRC. Et voilà quoi, on a bon esprit, la soirée, sympa, bon esprit. Tranquille. Et aujourd'hui, ben, on est là quoi. Bah voilà, on est là, hein, voilà, tranquille. Tranquille. On a Antoine qui a 21 ans et qui est de La Roche-sur-Yon avec nous en direct sur Fun. Salut Orient, salut Antoine. Ouais, d'accord, tu commences bien. Là. Ça va bien? Ouais, ouais, ça va très bien. En forme? Ouais, ouais, tranquille. Passe un bon week-end? Ouais, ouais, ça va. Bon, très bien, qu'est-ce qui t'amène? Bah, moi je veux réagir parce que j'ai vu un truc que je trouve. Bien dans ton micro, Antoine, parce qu'on a des petits. Ok, ok, t'entends bien là? Ouais, non, parce que je vais trafiquer le son ce soir pour. Ouais, on dit bug quand même. Ouais, donc j'ai vu un truc que je trouve scandaleux. J'étais donc hier dans la rue, normal. Et puis il y avait une grand-mère qui voulait traverser. Et bon, elle était quand même dans un sale état, hein, il faut le dire. Et puis elle a demandé à plein de gens, des jeunes, de l'aider à traverser. Et bon, personne n'a voulu l'aider. Et ça, je trouve ça scandaleux. Et... Ah ouais, alors ça, ouais, ouais. C'est pas bien. Ouais. Incroyable. Ouais, c'est. Bon. Alors c'est bon, pas bah... les conseils, hein. C'est entre nous, on discute, hein. C'est un ouais, sujet. Hein. C'est vrai que, tu vois, quand une personne âgée veut traverser, c'est pas normal que les gens l'aident pas pour pouvoir traverser, quoi. Ouais. Ou au moins qu'ils la poussent. Ah ouais, ouais, mais non, ouais, mais ouais. Non, mais attends, oh. Sérieusement, attends, non, fais pas ça. Manu, je vais te dire une chose. Oui. Tu serais content qu'on pousse ta mère pour pouvoir traverser? Eh, c'est pas une personne âgée, ma mère. Elle traverse tout ça. Oh, Manu, si. Elle a morflé ces temps-ci, mais. Non, mais sérieusement, Gérard, parce que là, c'est un sujet sérieux. C'est vrai, les jeunes maintenant sont de moins en moins respectueux vis-à-vis des adultes. Vous qui prenez les transports en commun reconnaissez que. Moi, c'est vrai que. C'est vrai que. Vu ce que j'ai vu ce matin, je suis pas prêt de dire. Tourner, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Oh non, faut voir les gens, ils te bousculent, ils te demandent pas pardon, vas-y, on te monte sur les pieds. Ah, tu parles du marché donc. Ah ouais, ben là, laisse tomber, moi, je suis. Ah, c'est normal, ça, c'est parce qu'il y a la cohue. Non mais moi par contre par rapport c'est pas parce que je suis chauvin, mais moi je préfère New York. J'ai pas compris. Tu es? C'est pas parce que je suis chauvin. Ça veut dire quoi? Chauvin, ça veut dire aimer son pays. Que t'es chauve, non? Oh non, alors, je sais pas, chauvin, moi je sais pas, tu dis chauvin. Non mais attends, revenons sur le sujet d'Antoine alors. Oui. Non, toi, tu préfères New York, je trouve qu'à New York les gens sont plus respectueux. Par exemple, le problème d'Antoine, ce que t'as vu, comment t'as réagi Antoine? Moi? Ouais. Bon, mais tu l'as aidé? Ah bah non. Bah alors, ouais, mais c'est ça les jeunes aussi. Non, mais pourquoi tu l'aides pas la personne âgée? J'ai pas pu, parce qu'il fallait, il a fallu que j'intervienne. Donc bah j'ai pris les jeunes qui étaient là. Bon bah on non, mais c'est pas la gueule. C'est pas les jeunes qu'il faut que tu mais prennes, non, mais c'est la personne âgée qui peut. Voilà. Oh là là, t'aurais pu aider la personne âgée. C'est-à-dire que toi Antoine, si j'ai bien compris, t'as aidé les jeunes à traverser, c'est ça? Bah ouais. Ouais, parce que ils étaient de l'autre côté. Mais quel con. Ah non mais t'es vraiment une tâche. Hein. Bah ouais, non, mais par contre, on peut profiter de ce moment-là pour expliquer à tous ceux qui nous écoutent l'importance le respect des personnes âgées quoi. Moi ce que je conseille à tous les jeunes, ouais, c'est soyez âgés. C'est que déjà dès qu'ils voient une personne âgée qui a du mal à traverser, même voir. C'est pas parce que je veux faire de la pub pour ça, mais même les personnes âgées, les non-voyants ou les personnes en fauteuil roulant, aidez-les à traverser. Ouais. Au moins ça serait déjà sympa de la part des jeunes. Soyez solidaires quoi, voilà. Ouais. Faut rester solitaire. Non. Non, pas solitaire, solidaire. Ah Gérard. Solitaire, c'est ça, c'est pour ceux qui sont les, tu vois, les vagabonds, quoi. Ouais, pour les vagabonds, il y en a beaucoup, hein. Bah, il y a aussi Lucky Luke, hein. Ouais. Bah oui. C'est vrai que son nom. C'est bien, parce que là, on plaisante là-dessus, mais c'est un sujet important. Bon, là, Antoine, c'est un mauvais exemple. Tiens, justement, le thème du débat, c'est ça, le deuxième. Merde. C'est quoi? Ouais, merde. C'est quoi? C'est merde. C'est quoi le débat? Mais arrête, reste dans le sujet, c'est quoi? Aider les personnes âgées aider les personnes âgées. Ah, mais ça peut pas faire un débat là-dessus. Tu peux pas faire un débat là-dessus. Tu peux pas faire un débat là-dessus, Gérard. Peut-on aider les personnes âgées à traverser en euros? Peut-on faire l'amour avec une personne âgée en traversant? Non, mais. C'est pas un sujet, ça, pour un deuxième débat. Non, Antoine. Mais... On va faire deux questions, là. Tu l'as ramené comme idée, Antoine, du coup, regarde. L'autre, tu veux faire un débat sur. Non! Un débat sur les... On peut même faire un débat d'une semaine. C'est en train de se taper dessus, putain. Non mais Gérard, sérieusement, c'est vrai que là, faut profiter que toi t'es un adulte et Sandy aussi, parce que vous en profitez pas assez. Ouais. Vous êtes dans la vie de tous les jours et nous aussi, il faut que les jeunes fassent attention. Je sais que t'as vu d'autres choses un petit peu choquantes, Antoine, non? Ouais, j'ai vu, bon, j'étais... je continue ma balade. Je voudrais juste rajouter un truc par rapport à ce que disait Gérard. C'est que, bon, quand même, New York, tu regardes Godzilla... Godzilla, on entend le clavier. Il foutait quand même le bordel. Je sais. Il faut le dire. De quoi? Tu parlais de New York, niveau respect, Godzilla, c'est quand même pas génial. T'as été le voir et... bon, c'était le niveau... Tu changes de conversation comme de chemise, toi. Ouais, ça m'arrive. Attends, je comprends pas ce que tu veux dire, Antoine, là. Non, mais c'était pour réagir à ce que disait Gérard, c'est pas grave. Par rapport à New York. Justement, Gérard. Non, mais attends, par rapport à New York, par rapport à Paris, moi je vais dire une chose, que à New York, les gens ils te bousculent, ils te disent excuse me. Ah ouais. Tandis qu'à Paris, sorry. Par contre, à Paris, dès qu'on te bouscule, on dit pas pardon, ni rien du tout. Non mais ils te font un sourire des fois. Hein. Ouais, bah attends. Ils te marchent sur les pieds, ils disent bon, on te fait un sourire, ouais, c'est tout. Hein. Bah, tandis qu'à New York, tu l'as bien vu comme moi. À New York, dès qu'on... C'est vrai qu'à New York, ils sont très galants les gens. Ouais, ils sont plus sympas qu'à Paris. C'est vrai, ils sont plus respectueux aux États-Unis qu'en France. Mmh. Est-ce que c'est particulièrement Paris-New York? C'était parce que c'est des grandes villes aussi. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais. Non, mais faut voir qu'à New York, t'es bien accueilli déjà. Moi, je peux pas. Tu manges bien, ça c'est vrai. Voilà. Tu manges pas aux mêmes heures que Paris, donc ça c'est différent. On en a rien à foutre. On parle des personnes âgées. Par contre, là-bas. Tu vois une personne âgée qui a du mal à traverser, t'as toujours quelqu'un qui l'aide et qui va l'aider à traverser. Donc t'as pris le bus comme... là-bas, à New York? T'as pris le bus ou pas? On a pris le métro. Est-ce que les jeunes laissent leur place aux personnes âgées? Ah oui. Chose qu'on fait rarement en France. Ah ouais, ouais. Pourtant, il y a des places qui sont réservées dans les métros et dans les bus. On nous dit que sur Minitel que c'est terminé, que maintenant il n'y a plus rien à réserver. Maintenant, c'est les premiers arrivés qui prennent les places. Non, mais moi, je vais te dire une chose. Le jour où que je verrai une personne enceinte dans un bus et que le mec il veut pas se lever, normalement la personne qui est enceinte a le droit de demander au chauffeur de s'arrêter pour faire sortir le mec. Et ça c'est autorisé. C'est autorisé. Ah bon. C'est autorisé dans les bus. Il me semble que oui, hein. Si. Ouais. Il y a comme Antoine, on en a parlé un petit peu en antenne. Moi aussi j'ai vu ça, c'était ce week-end. Et c'est vrai qu'il a fait un petit peu beau, quoi. Donc les gens étaient sur les terrasses et ça va arriver d'ici peu de temps. Il y a des gens qui font la manche et qui jouent de la musique. Et puis maintenant, les gens sont de plus en plus irrespectueux de ces gens-là parce que des fois ils jouent de la bonne musique. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, généralement? Il vaut mieux que ces gens-là, ils aillent jouer dans le métro ou on devrait les laisser s'autoriser comme ça à venir emmerder les gens qui boivent un petit café tranquillement à 25 balles et qui se font bronzer? Disons, ça dépend de... ça dépend du maire de la ville. Si le maire autorise... merci de roter, toi. Je rote pas, excuse-moi. Antoine, ouais. Non, vas-y, Filda. Gérard. Donc, si le maire autorise... C'est pas parce qu'on est potes que... Si le maire autorise que les gens peuvent continuer à faire de la musique ou faire de la manche, ça dépend ça dépend pas de nous. Ça dépend du gouvernement, de la ville où qu'ils sont. Par exemple, à Toulouse, ils peuvent. Par exemple, à Nice. Non, Toulouse, c'est pas bon. À Nice, quand on était sur le bateau, là-bas, maintenant, à Nice, c'est interdit. Ils n'ont plus le droit de faire la manche. Donc, ça dépend du gouvernement. Ça dépend du maire de la ville. Si le maire de la ville autorise que les gens fassent la manche, ils auront le droit. Mais moi, je vois sur Paris, c'est trop malheureux, et ça... Ouais, mais Gérard, je veux dire, c'est pas normal, parce que tu vois, ces gens-là, ils essaient de gagner leur vie en fonction de ce qu'ils ont, et je comprends pas pourquoi on leur refuse de gagner leur vie, quoi. Bah disons, c'est pas qu'ils gagnent leur vie, en fin de compte, c'est... Bah s'ils font de la musique, c'est que les gens leur donnent quelque chose, donc automatiquement, ils essaient de gagner leur vie en fonction de ce qu'ils peuvent. Mais oui, mais ça dépend du maire de la ville. C'est le maire de la ville qui donnera son autorisation. S'il veut continuer, il laissera les gens continuer. S'il veut pas, eh ben il dira non. Oui, mais c'est pas normal. Il demandera aux autorités de les interdire. Ça dépend aussi de ce qu'ils jouent les mecs, parce que moi je sais que dans le métro des fois quand ils jouent de l'accordéon c'est chiant, mais des fois il y a un mec avec une guitare et qui chante une chanson connue, je sais pas, les Bee Gees ou des trucs comme ça, et ils ont facilement tendance à donner de l'argent. Hein. Ouais, mais je vais te dire une chose que même pas au Halle, à Châtelet, je vais te dire une chose que là, c'est la catastrophe. Hein. Pourquoi? Là, t'as que ça. Ouais, c'est vrai. T'as que ça tout le long de tout le long pour aller sur une autre ligne de métro. T'as que ça. T'as des mecs qui arrêtent pas de jouer de la gratte ou qui sont avec des trucs portables, des hein. En plus ils jouent tous en même temps. C'est le bordel. Ils peuvent pas avoir des portables en même temps qu'ils jouent de la guitare. C'est pas possible. Mais des trucs portables, genre des enceintes. Des enceintes avec leur ampli. Ils branchent leur gratte et vas-y, ils chantent dessus. Et... Ah non, ça c'est chiant ça. Ça c'est pas normal. Non, mais ça dépend des gouvernements, c'est tout. C'est le gouvernement qui veut ça, c'est tout. Bah maintenant, ouais, voilà, c'est... Toi, personnellement, Gérard, tu serais responsable, tu interdirais, par exemple... Évite de faire de lancer de la radio, c'est quand ce sera la télé, on pourra... Moi, personnellement... Personnellement, j'interdirais pas, mais faut pas que ça soit dans des lieux... dans la rue, à la rigueur, je m'en fous. Mais dans les métros où il y a trop de monde, non, moi j'interdirais les gens qui fassent ça dans le métro. Ouais, mais s'il y a du monde, c'est là qu'ils gagnent de l'argent, les gars. Ouais, mais dans la rue, ils peuvent. Ils peuvent, regarde, sur les Champs-Élysées. Ouais. Regarde, jeudi, quand on est parti, le monde qu'il y avait encore sur les Champs. C'est vrai. C'est pas parce que c'est les vacances, mais il faut dire que jeudi, quand on est parti, il y avait un monde pas possible sur les Champs. Non, mais moi j'aime bien moi la musique qui passe, c'est sympa. Ouais, mais est-ce que tu crois pas que si les jeunes voulaient qu'on leur donne de l'argent quand ils jouent de la musique, il faudrait d'abord qu'ils commencent par aider les vieux à traverser. Non, pas forcément, je pense pas, non. Parce que tu vois, quand une personne veut jouer d'un instrument, c'est pour gagner sa vie. Ça n'a rien à voir avec les personnes âgées. La personne âgée, ça, c'est un autre problème. Tu l'as fait traverser, tu peux faire que ça, quoi. Mais pour ce qui est de l'histoire de ceux qui jouent de la musique, moi, je trouve que c'est assez sympa. Parce qu'au moins, ils font vivre le métro, ils font vivre tout, quoi. Et au moins, il peut y avoir Mais là, c'est dans le métro, mais quand t'es dans les restaurants et que t'es sur une terrasse, que t'es tranquille, que t'es en train de dîner en tête à tête, je sais pas, t'es avec Gérard, et puis d'un coup, il y a un mec qui est juste à côté de toi, qui t'oblige à écouter de la musique que t'as pas forcément envie d'entendre, qui est forte, et en plus, faut lui donner de l'argent. Ouais, mais tout dépend si c'est du violon. Bon, si tu vois que c'est du violon. Mais même si c'est du violon, même si c'est bien, t'as peut-être pas forcément envie d'entendre ça. Mais il y a un truc, ça dépend des personnes, hein, tu vois. Il y a un truc qui vient démodé maintenant, c'est les gens quand tu manges. Tu vois, t'es installé à une table, tu manges en tête à tête avec ta copine ou entre amis, tu vois. T'as deux, trois filles avec toi qui mangent avec toi. Ouais. Ce qui est démodé maintenant, on ne voit plus, c'est les marchands de fleurs. Ah si, il y en a plein. Je suis désolé. Ah ça, je sais pas. Il y en a encore plein. Non, si, je suis désolé. C'est clair. On en voit moins maintenant dans les rues. Mais c'était l'hiver. Non, mais dans les rues, mais c'était dans les restaurants. Mais dans les restaurants, il y en a toujours. Mais même l'hiver, il y en a toujours. Moi, j'en ai vu il n'y a pas longtemps. Mais si, t'es en tête à tête, bien sûr. Ah. Bah. Mais il y a Cronald. Non, mais il y en a encore. Il y a que quoi? Non, je disais au McDo, il y a Cronald. Il y a Cronald, non, mais dans les restaurants, il y en a encore. Si. Je sais pas, sans dire ce que t'en penses ou non, toi, moi, j'ai pas tellement l'occasion d'aller dans les restaurants parce que bon, faute d'argent, mais c'est vrai que je sais pas. Comment tu peux savoir, toi, qu'il n'y en a pas, effectivement, si tu vas pas au restaurant? Non, mais je le vois bien, parce que il y a une demande, ceci dit, il y a une grande demande sur ce genre de truc. Hein. Non, mais c'est pas pour être chauvin, c'est que je vois quand je passe comme ça, quand je viens à la radio, ce soir, on a regardé, en venant, il y avait presque rien. Hein. Ouais. Mais on n'a pas été au restaurant ce soir. Mais quand on est venu. Oui. On est bien passé devant des restaurants, il y avait quoi, il y avait pas grand monde. Hein. Bah c'est vrai, peut-être le temps, je sais pas. Faut dire que tout le monde s'acharne, sur la boutique du PSG. Je sais pas pourquoi, ils sont tous là. Mais bah, c'est normal. J'ai vu ce soir, il y avait au moins plus de 50 personnes devant la boutique. Ouais. Et... À se marrer, oui. Non, mais regardez les t-shirts. Ouais, bien sûr, ça donne envie d'acheter. Hein. Attention, quand c'est le paysage germain, ça donne envie d'acheter quand même, tu vois. Ouais, bah t'essayes de m'en avoir un, toi. Bah évidemment, pas de problème, ça doit être bradé. En France, ça doit pas coûter très très cher. Hein. Antoine, c'est clair. Merci pour ton appel en tous les cas. Ouais, Et tu quittes pas, je vais te repasser Apolline ou Manu, d'accord? Ok, d'accord. Ciao, bonne bourre. Ouais, salut. Alors, normalement, c'est jeudi. Enfin, les conseils de Gérard et Sandy, c'est les dimanches, mais tous les 15 jours. Ouais. Et là, on a Véronique qui a 21 ans, qui est de Paris, qui souhaiterait vous demander des conseils. Donc, on va faire ça sur la musique, on va improviser un petit peu. Véronique a 21 ans. Salut Véronique. Salut Max, salut Gérard et Sandy, toute l'équipe. Bonsoir. Bonsoir. Voilà, je vous appelle parce que j'ai un gros problème. Ce week-end, je me suis cassé la jambe. Et j'aurais besoin de conseils de Gérard et de Sandy, quoi, parce que je ne sais pas comment me déplacer et je me pose plein de questions et c'est la catastrophe. Déjà, est-ce que tu as été voir un médecin pour ta jambe pour qu'il voie un peu ce qui t'est arrivé hein? Ah ouais, j'ai une fracture et là j'ai un gros plâtre vert fluo en plus, t'imagines. Ah bon, pourquoi vert fluo? Parce que c'est de la résine. Ah oui, c'est même pas toi qui as choisi alors. Non. On t'a imposé ça. Il n'y avait pas autre chose. Oh ben dis donc. C'est horrible. Là, je savais pas qu'on pouvait mettre de la résine sur une jambe. Moi, je savais qu'on pouvait mettre du plâtre ou je sais plus ce qu'on met sur la cuisse ou. Non, en fait, c'est la même chose du corps. Hein, c'est pas. C'est la même chose qu'un plâtre, sauf que c'est plus léger, disons. Mais je n'ose même plus sortir de chez moi. Hein. Mais attends, t'as des béquilles quand même pour marcher. Eh bien, j'arrive pas. Je me casse la gueule à chaque fois. Bon, attends. En fin de compte, les béquilles, c'est fait pour te soutenir. Mm-hmm. C'est-à-dire, quand tu marches dans la rue, bon, tu t'appuies sur les béquilles mm-hmm. et ça fait que tu peux marcher tranquillement. Mais si t'as besoin d'un entraînement, quoi. Non, pas forcément, mais faut pas que tu t'appuies sur ton pied, quoi. Mais comment tu descends les escaliers? Ben, tu descends avec une béquille. Mmh. Voilà. C'est à quel étage que tu habites? Moi, je suis au troisième étage. Hein. Il n'y a pas d'ascenseur. Non. Est-ce qu'il y a une rampe? Non plus. Non, attends, viens pas me dire elle tient pas. Mais je pense que elle tient très mal. Hein. T'es pas obligé d'avoir une rampe pour pouvoir. Oui, avec les béquilles, elle peut juste descendre les marches. Non, le mieux. Une rampe, mais elle tient pas.